bonsoir à toutes et à tous, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 635. Nous sommes le 23 avril 2025. Ah, ça rime. Oui, tous les 5 pour l'instant, pour cette année-là. Et l'album de la semaine, c'est l'album Drive in Rain de Paul McCartney en 2001. On écoutera successivement, enfin plutôt 6 fois, dans, même peut-être 7, dans la soirée jusqu'à 22h, des extraits de cet album de Paul McCartney, From a Lover to a Friend d'abord, puis Drive in Rain, il y aura Either, il y aura Magic, il y aura About You et Riding into Jaipur. Donc, profitez-en, ce sera bien. Il y aura également du Lennon, du Harrison, du Starr et des Beatles. Pour Lennon, ce sera I Found Out en 1970 sur l'album Plastic Ono Band. George Harrison nous chantera Hear Me Lord sur All Things Must Pass. Quant à Ringo Starr, ce sera Six O'Clock, mais pas la version de 1973, celle parue sur un 45 tours, mais qui a été après, au niveau de la remasterisation, rajoutée sur l'album Goodnight Vienna, alors qu'à l'origine, elle n'y était pas. La version longue, dans laquelle on entend bien Paul McCartney qui reprend ad lib, comme on dit, à la fin de la chanson, et on l'entend très très bien. J'aime bien cette version-là, c'est sympa. Donc ça s'appelle Six O'Clock. Et quant aux Beatles, on commencera par For No One, et c'est pour ça que j'ai hésité un petit peu, puisque le premier Beatles sera en fait un Paul McCartney sur Give My Regards to Broad Street. Il nous reprend For No One dans une très très belle version. Voilà. Pour le reste, eh bien, je vous invite à écouter jusqu'à 22h. On en va sur le groupe La Saga des Fab Four sur Facebook. Et on commente, on se dit bonjour, on se met des pochettes sur le groupe. Faites ce que vous voulez en tout cas. Je vous souhaite une très très bonne soirée et ça commence dans, oh allez, 10 secondes ? Même pas, ah, oui oui, à peu près 10 secondes. Le premier titre, c'est From a Lover to a Friend. Paul McCartney sur RG. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Le mercredi, c'est la saga des Fab Four, les Beatles. I'm an 11. All I want is qu'il s'agit de son premier album de nouvelles chansons depuis 4 ans et depuis la disparition de sa femme Linda, parce que Paul approche désormais de la soixantaine, parce que le Flaming Pie de 1997 avait atteint des hauteurs inespérées, parce qu'on sait McCartney capable de flirter régulièrement avec le génie mais aussi de se perdre dans une certaine autocomplaisance, ce nouvel album trimballait assez basse que le poids de ses paramètres encombrants. Mais c'était sans compter sans l'exigence de son auteur, sans sa maturité créative rodée sur une quarantaine d'albums, et surtout son profond désir d'étonner encore et de justifier son immense stature. Driving Rain gomme haut la main toute inquiétude pour rejoindre illico la poignée d'albums illuminés dont McCartney a su nous gratifier et prouve encore dans le même temps qu'il lui reste encore beaucoup à donner. Dans son ensemble, la critique saluera d'ailleurs cette probante remise en selle, parfois exagérément qualifiée de renaissance. Il est vrai que, comparé à la médiocre production de certains de ses pairs, le bassiste affiche ici un solide bulletin de santé créative. Après la remise en jambe que constituait Run Devil Run, un album de reprise de standards du rock, et les albums bilan, les compilations One des Beatles et Wingspan, McCartney semble inaugurer ici un nouveau chapitre de sa carrière. En totale rupture avec une certaine routine, oubliant son confortable studio du Sussex et se privant même des services du fidèle ingénieur du son Geoff Emerick, il se met sciemment dans l'obligation de rompre avec ses habitudes dont il a souvent mesuré l'effet ramollissant. C'est donc à Los Angeles qu'il se livre entre les mains d'un nouveau producteur, David Kane, et d'un trio de musiciens américains qu'il ne connaissait pas avant d'enregistrer. Le contexte de sa nouvelle vie amoureuse avec Heather Mills et cet exil forcé agiront en studio comme un très profitable coup de fouet. Toujours prolifique, Paul a sous le coup d'un bon nombre de chansons. Il a amassé la matière première de Driving Rain au fil des émotions fortes que la vie lui a imposées depuis quelque temps. On aurait pu supposer que cet album serait celui du chagrin, baigné de nostalgie pour Linda. Mais parce que Paul a une façon très particulière de toujours rapporter les choses vers la lumière, il n'en est rien. Certes, une certaine mélancolie hante bien quelques plages, mais jamais dans un registre plaintif. C'est au contraire sur les chapeaux de roue que s'ouvre l'album, au son de sa odeur ronflante, McCartney scande le tempo et fait tourner le moteur avant de nous inviter à le suivre séance tenante sur Lonely Road, un rock habité. Voilà pour le début, pour le reste, on verra ça tout à l'heure. I told you before, stay away from my door. Don't give me that brother, brother, brother, brother. The freaks on the phone won't leave me alone. So don't give me that brother, brother, brother, brother. You can do. There ain't no Jesus. George Harrison surérigé dans l'album All Things Must Pass en 1970. Il signe un chef-d'œuvre introspectif avec Hear Me Lord, issu de l'album All Things Must Pass, je viens de le dire. Dans cet élan spirituel et personnel, il implore le divin pour surmonter ses luttes intérieures. Rejeté par les Beatles en 69, la chanson trouve sa force lors des sessions dirigées par Phil Spector avec Eric Clapton ou Billy Preston. Sa simplicité brute, renforcée par des arrangements majestueux, en fait un appel poignant à la rédemption. Rarement jouée en concert, elle illustre la quête humble et sincère d'un artiste, marquant l'un des sommets émotionnels du disque. Je vous conseille ce disque-là. Et là, pour info, je vous ai présenté la version 2020, celle justement déspectorisée. Je vous conseille d'acheter cette version-là aussi, parce qu'on entend des sons que l'on n'entend pas dans la version d'origine de 1970. Ça vaut vraiment le coup d'oreille. Six o'clock in the morning, you've just gone to sleep. I wipe a tear from my eye. You can't be the kind of company I keep. That keeps me asking, you keep me asking, you keep me wondering why. I like to treat you. Every planet in the sky is in your eyes, but I don't treat you like I. No, I don't treat you like I. No, I don't treat you like I should. Could be the comfort going to my head that makes me wanna dream of you. But while you're sleeping softly in your bed, I wanna tell you, I'd like to tell you, I'd love to tell you too. Guys in your eyes, but I don't treat you like I. No, I don't treat you like I. No, I don't treat you like I should. No, I don't treat you like I. No, I don't treat you like I. No, I don't treat you like I should. I know you would say you love my way, it's good enough for you. But I know for sure I could do more. Hit it! Trois sites à consulter pour tout savoir sur les Beatles, deux français et un anglais. Le premier, c'est macaclub.com. Il existe un forum, bien sûr, sur le net et un site complet sur Facebook. Le second se nomme yellowsub.net. Il y a aussi un forum sur le net et une page Facebook très complète. Et pour le troisième, c'est un site anglais, celui de Lovely Rita. Si vous voulez tout savoir sur nos quatre amis de Liverpool, avec un forum et un site sur Facebook également, des millions de visiteurs réguliers, ce site recense aussi les personnes connues par Lovely Rita qui animent une émission sur les Beatles, dont nous, la saga des Fab Four. Alors n'hésitez pas, BeatlesMagazine.com, c'est le site qu'il faut consulter. Takes the time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her. When she says her love is dead, you think she needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. Ça aurait été dommage de s'en priver, hein. En 1984, sur l'album Give My Regards to Broad Street. C'était Paul McCartney que revoici des années plus tard, presque 40 ans, pas tout à fait. 30 ans, presque 30 ans plus tard, en 2001, avec l'album de la semaine, qui est l'album Driving Rain de Paul McCartney, un nouveau titre. Justement, d'ailleurs, le titre éponyme, Driving Rain, sur RIG. It's when we're Le McCartney que l'on aime est de retour, et c'est bien. La chanson Driving Rain, je me souviens d'avoir entendu une interview de Paul, justement, qui disait « Le point de départ de cette chanson, j'étais... » Alors, je ne sais plus s'il était à Los Angeles, en tout cas, il était quelque part en Amérique. Et sur son kit, vous savez, de protection de la maison, il y avait marqué « Something's open ». Donc, quelque chose est ouvert. Et il y a une phrase qui dit « Something's open, it's my heart ». Quelque chose est ouvert, c'est mon cœur. Donc, il est parti de là pour la chanson. Oui, il est fort quand même. Bon, bref, si l'album est dans son ensemble assez rock, il déploie aussi les traditionnelles ballades qui ont fait la réputation de notre homme. Mais ici, on est carrément dans la très haute couture. Ainsi, le fragile « From a lover to a friend » qu'on a écouté tout à l'heure fait immédiatement chavirer. Son climat éthéré et brumeux de longues fins de soirée s'associe à merveille avec la tonalité vulnérable du chant de Paul. D'une approche plus conventionnelle, « Your Love in Flames » s'inscrit parmi les grandes ballades de son auteur. Intro au piano, chœur aérien, envolée lyrique, quatuor à cordes, tous les ingrédients sont réunis autour de cette excellente composition qui, en d'autres temps, aurait gratifié les Beatles d'un standard imparable. Avec pas moins de 15 titres, Driving Rain offre aussi son lot de chansons mid-tempo comme Tiny Bubble, About You, Magic, l'élégant et touchant clin d'œil à Linda, Heather, candide instrumental pour sa nouvelle compagne. Les habituelles sucreries ne sont pas absentes, Your Way, I Do, ni les bizarreries de rigueur, Spinning on an Axis. Au passage, c'est la seule chanson peut-être du répertoire de McCartney que je n'aime pas. Je n'arrive pas à l'écouter en entier. Et l'orientalisant, par contre, que j'adore, Riding into J-Pearl. Mais l'un des grands moments du disque est indiscutablement le troublant Back in the Sunshine Again, un blues à cœur ouvert, transpirant d'une émotion tellement poignante. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'instant sur cet excellent album de Monsieur Paul McCartney, Driving Rain, en 2001. Take you down. Thierry Gallet, animateur radio, un homme et le The Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car, the little children laughing him behind his back. Je ne ferai pas le coup de vous dire que j'ai retourné le CD, parce que si on met un CD à l'envers, ça, il ne se passe rien. Mais à l'époque du 45 tours, c'est un double, une double face A. Voilà. Et mais tant mieux, parce que ce sont deux titres absolument extraordinaires des Beatles, sortis en 1967. Et si je vous proposais... où est-ce qu'on en est? Je suis perdu. Oh, je ne l'ai pas mis. Oh, que c'est dommage. Bon, eh ben, on va se débrouiller, d'accord? On va se débrouiller. Vous patientez deux secondes, vous restez là. Attendez, ne bougez pas. Vous êtes sur RG 90.7. Pendant que je parle, je suis en train d'agir. Et c'est la saga des Fab Four numéro 635. Comme toutes les semaines, entre le septembre, le mois de septembre et le mois de juin. Voilà, on est prêt. Et ben, j'espère que tout va bien pour vous. Essayez de trouver une autre station en France qui diffuse des Beatles comme ça de 62 à nos jours, il n'y en a pas. Hein, toutes les semaines en plus, voilà. C'est ici, sur RG 90.7. Voici la chanson que je cherchais désespérément, ce sont les Traveling Wilburys, End of the Line, sur RG. Well, it's all right, riding around

up, fell out of bed, dragged a comb across my head. Found my way downstairs and drank a cup, and looking up, I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat, made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke, and somebody spoke and I went into a dream. Genre grincement d'un siège ou quelque chose comme ça. Vous êtes bien sur RIG 90.7, www.rigfm.fr. C'est la saga des Fab Four. On revient à l'album de la semaine. L'album, c'est Drive in Rain de Paul McCartney en 2001. Et pour cette chanson, Paul s'était levé un matin, il était avec Heather déjà, et il s'était mis au piano à parcourir du doigt le piano, chercher un air, quoi, quelque chose comme ça. Et Heather, vous allez voir que je ne l'aime pas tellement, qui est arrivée en lui disant « Ah, c'est une chanson des Beatles ?» Il dit « Non, non, c'est tout nouveau, je suis en train de le faire. »« Ah bon, et ça s'appelle comment ?» Et il a dit « Heather », tout simplement. Donc... Thank you. build myself a place. There I will stay for a year and a day, until the cares of my life blow away. And I will dance to a runcible tune with the queen of my heart. Let's go. your face grow long. C'est la version 2023 que je vous ai proposée de ce superbe titre I Am The Walrus par John Lennon. Je sais que vous l'aimez celle-là. Now and Then sur RG 90.7, c'est la radio des Beatles. I know it's true. It's all because of you. And if I make it through, it's all because of you. And now and then, if we must start again, well, we that I grass ain't green, it's kinda yellow. See what I mean? Look up your chimney, the sky ain't blue, it's kinda yellow. You know it's true. Shout when you're inside out. Look down your dream pipe. What color do you see? It's got to be yellow. Don't try to fool me. Don't it make you wanna twist and shout? When your outside's in, inside out, and your downside's up. Upside right. Yeah, don't it make you wanna twist and shout when you're inside out? Be careful where you're walking, you might step in something rough. Be careful when you're talking, saying all that stuff. Funny in the air. There's some things they're not saying about what's happening out there. It's inside out. Look into the future with your mystic crystal ball. See if it ain't yellow. See if it's there. You wanna twist and shout when you're inside out. Inside out. Right side up. Yeah, don't it make you wanna twist and shout when you're inside out. Inside out. Traveling Wilburys à nouveau sur RIG avec Inside Out. On revient à l'album de la semaine, l'album Driving Rain de Paul McCartney en 2001, avec cette superbe chanson Magic en honneur de Linda, sa première femme qui était morte donc pas très longtemps avant, en 98, il me semble qu'elle est décédée. Cette chanson évoque la nuit où Paul et Linda se sont rencontrés dans un club de Londres en 67. Linda était assise à une table et McCartney s'est carrément mis sur son chemin pour se présenter. Il a estimé plus tard que c'était quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant et qui avait comme eu quelque chose de magique qui l'avait poussé à le faire. Et ben voilà, ça arrive quelquefois hein, qu'on rencontre quelqu'un et puis qu'on se dise « c'est elle ». Ça m'est arrivé. Must have been magic. Night that we met. I hadn't stopped you, I'd always regret. A few minutes later, you'd have been out that door. I'd have been lonely forevermore. Do it. Wonder why. Et nous en sommes à la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou après, en carrière séparée. La chanson que je vous propose, c'est Love Comes to Everyone par Eric Clapton, qui est sortie en 2005 sur l'album Back Home. La voici, la chanson. Still L'amour vient à tout le monde. C'est George Harrison qui l'a écrit en 1979 et Eric Clapton à l'instant qui l'a chanté sur son album Back Home en 2005. La chanson suivante, vous le savez, c'est une chanson ressemblant à quelque chose comme ça. Eh bien là, ce sont les paroles. Les paroles parlent des Beatles. Il s'agit de Al Bruce sur son album Rock Steady Line en 2018. Le titre du morceau, c'est We Can Dream On. Écoutez. Dream on. Told everybody all you really need is love. If we give peace a chance, we can ride on the wings of a dove. If we all stand strong, everybody's safe and sound, feeling and remember, don't complain, 'cause everything's good and everything's right. Sharing the love and feeling the sunlight in the air. Sunlight everywhere. Sometimes you got to admit that you just don't care. Sunlight warm in my heart, making me feel like we're just getting started. Sunlight spreading the love all over the world. Peace and love. Everybody's having fun, feeling okay, doing all right, sharing the love and feeling the sunlight in the air. Sunlight everywhere. Sometimes it's good to admit that you just don't care. I'm feeling the sunlight. Ringo Starr en 2023, chanson écrite par Paul McCartney, et le titre du morceau, c'était tout simplement Sunlight. Feeling the sunlight, voilà. Tout à l'heure, vers 22h, dans une grosse demi-heure, il y aura le deuxième entretien avec Michel Mallory dans l'émission Johnny de A à Z, assurée par mon ami Eric Gallo. Michel Mallory vous parlera des fans de Johnny, du label H de Nashville, du père de Johnny, dans le rôle de perdant dans ses chansons. Il compte sur vous, Eric, et moi je compte sur vous également pour écouter son émission. Oh, one, two, three. You give me power to get out of bed. When in the morning I'm feeling dead. Living and loving, there's a lot to be said. It's true. Gonna say it about you. Say it about you. Magic, non, c'est About You. Magic, c'était la chanson d'avant. C'était extrait de l'album de la semaine, l'album Drive and Rain, sorti en 2001 par Monsieur Paul McCartney. Souvenez-vous, Elton John est invité à écouter la musique de John Lennon et il lui dit, celle-là, ça va faire un tube. Si c'est un tube, tu viendras en public. Il l'a fait. Whatever gets you through the night. Your life, it's alright, it's alright. Do it wrong or do it right, it's alright, it's alright. Don't need a watch to waste your time. Oh no, oh no. Vous êtes bien sur RG, c'est la saga des Fab Four numéro 635 et je vais vous proposer une petite curiosité. Extrait de l'album Let It Be, mais super deluxe édition, s'il vous plaît. C'est une sorte de... comment on appelle ça, rehearsal, Eric, quand on fait des rehearsals, ce sont des répétitions. Oui, merci, des répétitions. Quelquefois j'ai le mot en anglais, je ne l'ai pas en français tout de suite, c'est bizarre. Voici Let It Be, version répétition. Let it be, let it be. Yeah. Two chorus on the second okay. Time. I think that's it. Oh, we did do it. Last night I said these words to my girl. I was daft enough. You know you always make sigh, girl. But come on. Okay. Come on, I only get two notes in this song, Zorio. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me.

Let's change the world. à l'heure, Ringo nous chantait. Qu'est-ce qu'il nous chantait? Into the Sunlight, Feeling the Sunlight sur l'album Rewind Forward. Et là, c'était Let's Change the World sur l'album Change the World en 2021. Voici une version différente de Tomorrow Never Knows pour quasiment terminer cette saga des Fab Four. Dans quelques instants, ce sera Eric et Johnny de A à Z. Lay down for us to run the church. extrait de l'album Crooked Boy, sorti l'année dernière en 2024. Et pour la dernière chanson, Freedom, Paul McCartney, sur RG. A right given by God to live a free life, to live in freedom. Talking about prochaine fois pour une autre aventure. Bonne émission à Eric, qui va être passionnante cette émission, j'en suis certain. À très bientôt, c'était Thierry pour la saga des Fab Four numéro 635. Salut.